fait si compte, fait si fâché. Mais, ou pas j'en bite, ou pas pour tout. Quel que soit ça me fait, ou pardonnez-moi. Même j'en moi qu'on pardonne tout. C'est ça l'homme ou mandé. C'est vrai, il faut que tu es là. Y'a fait tomber, mais l'amour n'est pas qu'à craser. On fait comme si c'est l'onde qui existait sous tes salles. Pour aimer, mais on personne n'a pas qu'à changer ça. Pas qu'à changer ça. Fais joujou. Pour n'y avoir nous, quatre jours yon rage. Yo papa, aimez nous joyeux. Pour l'autre semaine, non nous pral marier, baby.